Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Paul Morand, l'homme pressé au service de Pétain. Peut-on être un écrivain de talent et un parfait salopard ? Force est de constater que les deux entités ont cohabité à l'aise dans la France de l'occupation. Le plus connu, c'est bien sûr Céline, l'auteur du génial Voyage au bout de la nuit, mais aussi les abjects Bagatelle pour un massacre ou Les Beaux Draps. Dans la série des auteurs qui s'engagèrent avec ferveur dans la collaboration, à côté des Brasillac, Drieux-La Rochelle, Chardonne et les autres, il y a une espèce particulière, celle de l'écrivain diplomate, qu'incarna sans complexe Paul Morand, compromis par sa plume, mais aussi par son action directe au service de Pétain et de Laval, et donc de l'Allemagne nazie. Paul Morand, le dandy littéraire des années 30, brillant et séducteur, l'auteur de L'Homme pressé, n'hésita pas en 1942, juste après la rafle du Veldiv, à solliciter du gouvernement de Vichy un poste de diplomate et l'année suivante à devenir ambassadeur de France en Roumanie. C'est cette page méconnue de la vie de Paul Morand que je vais raconter ce soir. Un épisode que le général de Gaulle n'oubliera pas quand, après-guerre, l'écrivain diplomate fera des pieds et des mains pour réaliser son rêve, devenir immortel. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Pierre Assouline, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, membre de l'Académie Goncourt, auteur de nombreux livres, notamment des biographies, avec une passion particulière, on peut le dire, pour l'histoire intellectuelle française. Alors Paul Morand, donc né en 1888, qui mourra en 1976, est un auteur un peu oublié aujourd'hui. Tout au plus, on connaît son roman, donc L'Homme pressé. Est-ce que c'était une star quand même dans les années 20-30? C'est surtout un homme qui a eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que toutes les fées se sont précipitées sur son berceau. Il est né dans le 8e arrondissement de Paris et il est mort dans le 7e arrondissement de Paris. Entre-temps, il a beaucoup voyagé, puisque c'est un très grand voyageur. Il y a des gens très bien qui ont vécu dans des beaux quartiers aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que il est bien né, il est bien mort, et qu'entre-temps, il a toujours été gâté, surtout qu'il a eu la bonne idée, en 1927, d'épouser une femme riche de l'aristocratie roumaine, et qui était la princesse Suzo, Hélène de son prénom. Et que c'est un homme qui a gagné très vite beaucoup d'argent, notamment par ses livres. Au départ, vous savez, bon, il a été au lycée Chaptal, il a fait Sciences Po, j'allais dire comme tout le monde. Il a aussi échappé à la guerre 14-18, il a réussi à se planquer. Il a réussi, oui, à se planquer, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a passé le concours des affaires étrangères. Et quand il était attaché d'ambassade, d'abord à Londres, c'est quelqu'un qui comptait bien faire sa carrière, dans la carrière diplomatique. Mais en même temps, c'est un homme qui avait de la plume. Très tôt, il a connu Proust, qui l'a un petit peu aidé, en quelque sorte, mais d'autres aussi, comme la princesse de Noailles, enfin, tout un milieu. À la fois étonnant d'ailleurs, parce modern. Que, petite parenthèse, Paul Morand était très antisémite et homophobe. Malgré tout, il était ami avec Marcel Proust. Oui, vous savez, malgré cela, par la suite, un de ses meilleurs amis musiciens sera Darius Milhaud, et son meilleur ami pendant toute la fin de sa vie sera Maurice Reims, qui sera même son exécuteur testamentaire. On n'est pas à une contradiction près. Je ne sais pas si c'est le cas de l'un ou de l'autre, pour la contradiction, en tout cas les deux. Mais l'antisémitisme, Morand, on va en reparler probablement plus tard, mais son antisémitisme, il le porte en bandoulière comme une mondanité naturelle. Il ne faut pas oublier, c'est un mondain, c'est un homme qui aime la vie, qui aime sortir, qui aime les princesses, il en a épousé une, les ducs et les duchesses. Et donc, c'est l'homme d'un milieu et qui recherche un certain milieu. Et qu'est-ce qu'on peut dire de son style? Alors, c'est là que c'est intéressant, parce que, en soi, l'homme Morand n'est pas intéressant. Et surtout, de mon point de vue, c'est un homme qui est totalement dépourvu de qualités humaines, de vraies qualités humaines. J'entends la générosité, la fraternité, la bonté d'âme. C'est un égoïste. C'est un homme qui peut être volontiers cruel et même pervers dans cette manière qu'il a de jouir de la faiblesse des autres et du dépit des autres. Mais avant tout, c'est un écrivain. Et comme écrivain, il est éblouissant. C'est un style absolument étincelant. Je crois que c'est le mot qui convient. Alors, au départ, avant la guerre, il a publié de nombreuses nouvelles, des poèmes. Il est très bon dans les nouvelles. Des poèmes, des chroniques, des essais, des récits de voyage. Mais c'est aussi un romancier. Et avant la guerre, il a publié peu de romans, mais qui ont eu du succès. Le premier, c'est Lewis et Irène, en 1925. Ensuite, une satire cruellement antisémite chez Gallimard, qui s'intitule France la douce, satire des milieux du cinéma, en 1934, et puis au tout début de l'occupation, en 1941, L'homme pressé, qui est probablement son livre le plus connu. C'est étonnant, en tout cas, ce goût des voyages pour un homme qui est très hanté par la peur de la décadence, du cosmopolitisme, avec tout ce que ça peut avoir de teinté d'antisémitisme d'ailleurs. C'est une question de tempérament, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a toujours envie d'être ailleurs. Vous savez, quand il voyage, ce n'est pas un voyageur à la Cartier-Bresson qui prend un billet d'aller sans retour et qui reste des mois, ouais. Peut-être des années, quelque part. Il part pas avec un sac à dos. Quand il voyage, il part avec une trousse de toilette. C'est-à-dire qu'il part, si possible, en voiture, parfois en paquebot ou en avion, mais il adore conduire, il adore la vitesse, la rapidité. Il a été partout, il parle plusieurs langues, il a beaucoup de facilité. Il y a du travail, mais il a une vraie facilité. C'est un style classique, mais il sait ramasser les phrases, donner de la densité aux phrases, et ça fait boum à chaque fois. Alors Pierre Assouline, si vous êtes d'accord, nous allons nous retrouver dans une trentaine de minutes pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, Paul Morand, L'homme pressé au service de Pétain, un texte de Charles Aquet et Bernard Lalanne, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Pascal Deux. Voilà arrivé. Pas trop tôt. 4h30 d'autorail. Il en faut du temps pour atteindre la zone libre. Taxi ! À l'hôtel du parc, je vous prie. Je me demande bien ce qu'il me veut, le maréchal. J'espère qu'il ne me fait pas venir pour me passer un savon comme la dernière fois. Abandon de poste. Après tout le mal que je m'étais donné, et tout ça dans l'intérêt de la France, il aurait voulu quoi au juste ? Que je reste à Londres à regarder tomber les bombes ? Que je réponde à mon tour à l'appel de Gaulle, peut-être ? Bon, qu'est-ce qu'ils vont me proposer ? S'ils me proposent quelque chose ? Un poste dans leur équipe ? Un retour aux affaires étrangères ? Ça m'irait pas mal. Mais quoi ? Et où ? Le message était vague. Bon, le mieux c'est encore de les laisser venir. Ce qui est sûr, c'est que je fais confiance à Laval pour collaborer efficacement avec l'Allemagne. Et puis, j'en ai assez de me morfondre. Ah, on arrive. La vie est excitante parfois. Et ça me plaît. Juillet 1942. Paul Morand arrive à Vichy en provenance de la capitale, le regard un peu hautain, toujours bel homme à 54 ans. Tiré à quatre épingles avec ses costumes croisés en flanelle et ses chapeaux de feutre, il ne compte plus les conquêtes féminines. Il adore les relations mondaines, les voyages au long cours. Mais aujourd'hui, sa carrière de diplomate est en panne. Mis à la retraite d'office pour avoir quitté sans autorisation son poste de secrétaire d'ambassade à Londres, il rumine. Et en dépit des apparences, sa situation matérielle est elle-même assez précaire. Morand, l'écrivain, a toujours du succès, lui. En septembre 41 est paru L'homme pressé, qui restera l'un de ses romans cultes. Il est célèbre, respecté, mais au fond de lui, il ronge son frein. Par chance, Morand connaît Jean Jardin, un ami de jeunesse, nommé directeur du cabinet de Pierre Laval, le chef du gouvernement de Pétain. C'est ce Jean Jardin que Morand vient rencontrer à l'hôtel du Parc, siège du gouvernement de Vichy. Paul, mon vieil ami. Bonjour Jean. Content de t'accueillir ici, au cœur névralgique de l'État français. Le fameux hôtel du Parc. Où sont passés les curistes ? Vous les avez chassés ? Il y en a moins ces temps-ci. Du coup, l'espace se libère, à la guerre comme à la guerre. Mais un hôtel, c'est commode pour travailler ? Les chambres, les salles de bain, tout ça ? Oh, c'est exigu, mais on s'y fait. Question ravitaillement, on a tout ce qu'il faut, et finalement, c'est plutôt confortable. Tiens, regarde là-haut. Troisième étage. Le maréchal occupe les chambres 124 et 125 avec son secrétariat et son médecin personnel à côté. Ah oui, à son âge, c'est plus prudent. Et juste au-dessus, au deuxième, il y a le bureau de Laval et le service d'information. Les hauts fonctionnaires sont au quatrième et au cinquième. L'avantage, c'est qu'on a tout le monde sous la main. Bon, je te ferai visiter un autre jour. Dis-moi plutôt, toi, comment vas-tu? Ton dernier bouquin, ça marche? Gaston Gallimard me dit que c'est plutôt bon. Mais avec les problèmes de transport, tu es au courant, beaucoup de librairies ne reçoivent pas leurs commandes. En tout cas, le titre te va comme un gant. L'homme pressé. C'est un autoportrait, non? Franchement, cette fois-ci, tu as toutes les chances pour l'Académie française. D'autant, et ça compte, que tu as fait le bon choix. Le maréchal et Pierre Laval y ont été très sensibles. Après la défaite de 40, j'ai eu la conviction que l'Allemagne avait gagné la guerre. Il faut l'admettre, nous récoltons aujourd'hui les fruits de la décadence morale et du relâchement des années 30. Nous devons conduire aujourd'hui une vraie révolution nationale. Intellectuelle, spirituelle, morale, je dirais même physique. Oui, oui, j'ai lu tes chroniques de l'homme maigre. Très intéressante ton idée d'un jeune national préalable au retour de l'énergie et du courage. Sur tout cela, Paul, nous sommes parfaitement en phase. Et à Paris? Quoi de neuf? La vie continue, finalement. L'autre soir, j'étais à la première de la Symphonie Fantastique, le film de Christian Jacques. Un beau succès. Que te dire? Ah, l'arrestation de Pierre Dac, ça a fait pas mal de bruit. Il cherchait à rejoindre De Gaulle à Londres. Il ne l'a pas volé. Tu sais que Pierre Dac, ce n'est pas son véritable nom? Ah bon? Il s'appelle en réalité André Isaac. Il y a encore du nettoyage à faire chez les artistes et les intellectuels. Je le répète à longueur d'article. Tu disais tout à l'heure, le maréchal et Laval ont parlé de moi? Non seulement ils ont parlé de toi, mais ils vont te faire une proposition. Voilà ce que j'en sais. Tu entres au cabinet, on te donne un titre de chargé de mission et on te confie un rôle important. Il nous faut quelqu'un de ta stature pour diriger la commission de censure des films. Tu y retrouveras des amis comme Marcel Achard d'ailleurs. Après cela, on verra. Mais à mon avis, le maréchal aura besoin de toi. Ah. Et au fait, pour l'académie? Patience. Ça devrait se faire dans l'année. Le maréchal t'en parlera sûrement lui-même tout à l'heure. Bon, écoute, je ne voudrais pas te mettre en retard, mais moi aussi je suis un peu bousculé. Nous sommes sur une affaire délicate aujourd'hui. Mais on se revoit très vite, je te le promets. Embrasse bien Hélène pour moi. J'y manquerai pas. Au fait, elle a toujours de la famille en Roumanie? Juillet 1942. L'affaire délicate dont parle Jean Jardin n'est autre que la rafle du Veldiv qui vient de commencer à Paris. En deux jours, plus de 13 000 juifs vont être arrêtés par la police française avant d'être déportés par les nazis vers les camps de la mort. Mais l'événement ne change rien aux ailes pétainistes de Morand, qui deux mois plus tard, le 4 septembre 1942, jure par écrit fidélité au chef de l'État selon les lois de l'honneur et de la probité. Par cette profession de foi, il rejoint, même s'il s'en défendra après la guerre, la cohorte des Céline, Brasillac, Chardonne, Drieux-La Rochelle, Giraudoux, entre autres, qui se laissent séduire par l'ordre nouveau. Après avoir travaillé à la commission qui répartit les stocks de papier pour l'édition, le voilà responsable de la censure du cinéma. Et quelques mois plus tard, son ami Jean Jardin tient parole. Morand est d'abord nommé ministre plénipotentiaire de première classe. Pour ses bons et loyaux services, il perçoit la coquette somme de 8 000 francs annuels, soit 184 000 euros d'aujourd'hui. Il obtient aussi son affectation, ambassadeur en Roumanie. En réalité, ce n'est pas un cadeau. Là-bas, le personnel de l'ambassade est réputé frondeur et largement acquis aux idées gaullistes. Mais Paul Morand est trop heureux de reprendre du service actif, et aussi de retrouver une capitale où il a vécu quelques années auparavant. Dans les premiers jours d'août 1943, il débarque à Bucarest avec sa femme. Mon Dieu, comme cette ville a changé. Les rues de travers, les trottoirs qui se gondolent, les travaux partout, toutes ces palissades. Ce n'est plus le petit Paris que j'ai connu autrefois. Et toujours autant d'embouteillages. Tiens, le pont que je traversais tous les jours, il s'est encore enfoncé. Il va finir par couler. Et ces contrôles à chaque coin de rue. Les Allemands doivent être de plus en plus nerveux. Le front russe qui se rapproche, ça ne va pas très fort là-bas. Que vais-je trouver à l'ambassade? Bon, cette bande de gaullistes finira bien par comprendre et plier. Je représente la France, la vraie, pas celle de ce grand escogriffe de général. Il n'a attiré à lui que des juifs et des cocos. Quand même, les soirées parisiennes vont me manquer. Surtout mes joutes littéraires avec Giraudoux. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, lui et moi? Presque 40 ans. On continuera à s'écrire, mais ce n'est pas pareil. Allons, pas de nostalgie. J'endosse mon habit d'ambassadeur. Bucarest, me voilà. Oui? Faites-le entrer. Ah, monsieur Spitzmüller. Asseyez-vous, je vous attendais. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Vous avez fait bon voyage? 3 alertes aériennes, 2 changements de train. L'homme est capable de voler à 700 km à l'heure, mais il lui faut 2 jours pour faire Paris-Bucarest. Enfin. J'ai regardé votre dossier, monsieur Spitzmüller. Vous avez travaillé à la Société des Nations? Oui. Une belle idée, cette SDN. Sur le papier. Cette fanfare géante n'a jamais su accorder ses violons. Et tandis qu'elle produisait sa piteuse cacophonie, montait à l'est du Rhin les chants des Valkyries. Vous avez bien fait d'en partir. Vous êtes là depuis 36, c'est ça? Oui. Mieux valait être ici qu'à Paris, croyez-moi. Ce front pop, une belle utopie ça aussi. Vous avez eu le temps de visiter l'ambassade? Oui. Très belle architecture. Construite en 1889, achetée par l'État français en 1919. Et la résidence est toute neuve. Vous êtes bien installé au moins. Parfait. Et ma femme est ravie, elle adore le mobilier. Il vient de chez Krieger, Faubourg Saint-Antoine à Paris. Fait main. Dans les meilleurs bois, noyer d'Amérique et sycomore. Votre prédécesseur avait du goût. Mais en tout cas, il n'avait pas celui d'être fidèle à son pays. Pourtant, c'est un homme agréable, ce Truel. Dommage qu'il ait choisi le mauvais camp. Question de perspective. Oui, sans doute. À propos de perspective, quelles sont les vôtres, monsieur Spitzmüller? Que voulez-vous dire? Comme vous le savez, je suis ici pour représenter les intérêts supérieurs de la France et de son chef légitime, le maréchal Pétain. Oui. Vous êtes mon adjoint. J'attends donc une totale loyauté de votre part. J'ajoute que toute forme de sédition de la part d'un membre de cette légation sera considérée comme un acte de trahison. Je compte sur vous pour faire passer le message auprès du personnel. Oui, monsieur le ministre. Autre chose? Non, pas pour l'instant. Je vous reverrai cet après-midi pour faire un point. Très bien. Ah, j'aimerais aussi que vous convoquiez les consuls et l'attaché militaire pour demain matin. 9h ici même. Bien. Une dernière chose, monsieur Spitzmüller. Vous n'êtes pas sans savoir que la tradition veut que le portrait du chef de l'État soit affiché dans tous les bâtiments officiels, y compris dans les ambassades. J'ai beau avoir regardé sur tous les murs, je ne l'ai pas trouvé. Vous serez bien aimable de remédier à cette anomalie. Bien, monsieur. Oui. Ah, très bien. Qu'elle entre. Alexandra, approchez. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Jean Jardin m'a beaucoup parlé de vous. Vous serez mon ange gardien, m'a-t-il dit. Oh, je ferai mon possible pour vous servir, monsieur l'ambassadeur. Asseyez-vous. Vous êtes femme de chambre ici, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Un poste stratégique, hein? Vous voyez tout, entendez tout. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, monsieur, vous devez vous méfier de tout le monde. Ils sont tous vendus à De Gaulle. Oui, on m'a dit. Mais ont-ils vraiment les moyens de nous nuire? Ça, je l'ignore, mais ils sont actifs. Ils fournissent des passeports aux prisonniers français qui s'échappent d'Allemagne et essaient de gagner Istanbul. Je sais aussi qu'ils communiquent avec les gaullistes à Alger. Je ne vois pas par quel canal, mais ils ont un système, c'est sûr. Lequel? Mystère. Oui, ça c'est grave. Bon, écoutez-moi bien. Il faut absolument en savoir plus. Vous allez vous renseigner, mine de rien. Hein? Allez interroger les cuisiniers, les huissiers, enfin, le plus de monde possible. Mais discrètement, bien sûr. Ça ne va pas être facile. Ils évitent de parler en ma présence. Ils se méfient de moi. Ils attendent de se retrouver le soir dans l'appartement de Spitzmüller. C'est plus discret pour comploter. Je vais quand même faire mon possible. Bonne chance, Alexandra. Et la prochaine fois, ne vous faites pas annoncer par ma secrétaire. Frapper à la porte, c'est plus discret. Entendu, monsieur l'ambassadeur. Dans ce climat délétère où chacun se méfie de son voisin, la position de l'ambassadeur de Vichy n'est pas des plus confortables. Parmi ses subordonnés, Paul Morand est vite affublé du sobriquet de von Paulus, du nom du maréchal commandant la 6e armée allemande. Ce qui n'est guère flatteur. Ce dernier vient de capituler devant l'armée rouge à Stalingrad après 200 jours de bataille. Cette défaite place la Wehrmacht sur la défensive et va l'obliger à refluer vers l'Ukraine, la Pologne et la Roumanie, qui pour l'instant est aux côtés du Reich, mais ne tardera pas à basculer dans le camp des Alliés. S'ils n'aiment guère Morand, les Français de Bucarest détestent encore plus son épouse, roumaine de naissance, celle qu'on appelle la princesse Suzo. Et pour cause, Hélène Morand, dont on sait l'influence qu'elle exerce sur son mari, ne jure que par l'Allemagne, et son antisémitisme viscéral est jugé avec sévérité dans les milieux français. Le 19 octobre 1943, peu de temps après son entrée en fonction, un incident symptomatique va d'ailleurs opposer l'ambassadeur à Jean Mouton, le directeur de l'Institut français de Bucarest, là où les Roumains viennent apprendre la langue de Molière. Dites-moi, monsieur le directeur, pourriez-vous me communiquer un état détaillé de vos effectifs, avec le nom et l'origine de chaque élève, je vous prie? Je crains, hélas, monsieur l'ambassadeur, de ne pas disposer de ce type de renseignements. Comme vous le savez, les activités de l'Institut sont accessibles à toute personne, sans distinction ni exclusive, qui s'intéresse à notre pays et à sa culture. C'est l'honneur de la France que de perpétuer cette tradition d'ouverture. J'entends bien, et je salue votre rectitude. Mais vous devez quand même avoir une idée, savoir d'où proviennent les uns et les autres. Je vous le répète, je n'ai aucun moyen de le savoir. Et... Et ? Et ça ne m'intéresse pas. Pour s'inscrire, ils doivent remplir un formulaire, je suppose. C'est exact. On me dit que des éléments juifs participent en masse aux cours libres et qu'ils constituent même la majorité des inscrits à la bibliothèque. Et c'est apparemment un secret de polichinelle chez vous. Et chez vous, une obsession. Si j'ai bonne mémoire, car je vous ai lu, c'était déjà le cas dans votre roman « France la douce » il y a une dizaine d'années, je crois. À ce que je vois, l'ambassadeur ne contredit pas l'écrivain. Belle constance. N'allez pas trop loin, monsieur Mouton. N'oubliez pas qu'ici, je suis le représentant de la France. Dans ce cas, vous n'ignorez pas que la France doit assurer à chacun la liberté de conscience. Article 1er de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je ne demande aux élèves ni leur origine, ni leur religion. Cela ne me regarde pas. Pas plus que vous, si je puis me permettre. Encore une fois, monsieur le directeur, je représente ici l'État français. Et je pourrais vous contraindre à me fournir ces documents. Et moi, je ne connais qu'une autorité à Vichy. Celle du secrétariat d'État à l'éducation nationale et à la jeunesse dont je dépends. Ah, Hélène, ma chérie. Voyons, Paul. Tu n'as rien à offrir à monsieur le directeur. Vous prendrez bien une coupe de champagne, monsieur Mouton? Volontiers. Attention, pas du champagne scoué de Moldavie. Du vrai, du champagne de champagne. Notre cave est un peu dégarnie ces temps-ci, mais nous avons toujours quelques bouteilles pour nos hôtes de marque. Très bonne idée, Hélène. Sur ce point, je présume que nous serons d'accord. Quant au reste, nous aurons l'occasion d'en reparler. En effet, ils en reparleront. Morand et Mouton s'opposeront plusieurs fois, notamment lorsque Morand apprendra que le personnel de l'ambassade porte assistance à des officiers français évadés d'Allemagne et qu'un jeune soldat lorrain a trouvé refuge à l'Institut français. Tout cela tracasse Morand, qui a peur de se faire réprimander par Vichy et, plus grave encore, de subir les représailles allemandes. Cette crainte est fondée, car en cette fin d'année 43, les nazis peuvent compter sur leur allié roumain. Tandis que des centaines de milliers de soldats roumains se battent sur le front russe aux côtés de la Wehrmacht, leurs services secrets sont très actifs à Bucarest. L'ambassade de France n'échappe pas à leur emprise. Un agent roumain s'est infiltré dans l'élégante résidence de la rue Biserica Amzei. Chaque jour, il envoie des rapports à ses chefs, qui s'empressent de les transmettre à leurs alliés allemands. Tout y est consigné. Les altercations des diplomates, les rivalités personnelles et même l'emploi du temps précis de Paul Morand. Mais il n'y a pas que des taupes roumaines dans les sous-sols de l'ambassade. Des espions gaullistes sont en relation directe avec la France libre. Qui sont-ils et comment agissent-ils ? Morand n'arrive pas à les démasquer. Un soir de décembre 43, pourtant, après la fermeture des bureaux... Mais... Monsieur l'ambassadeur ! Monsieur l'ambassadeur ! Qu'y a-t-il, Alexandra ? Oh, pardon, je crois cette fois-ci. Mais que se passe-t-il ? Je crois que ça y est, je l'ai repéré. Quoi ? Un poste de radio-émetteur. J'ai l'impression qu'il est caché quelque part dans les combles. J'ai entendu du bruit là-haut. Bon, vite au grenier, allons-y. Ça venait de par là. Il y a une porte derrière, c'est mal. Tenez. Regardez. Bon sang, les traîtres. Tout est là, le poste est encore allumé. Mais évidemment, l'oiseau s'est envolé. Débranchez-moi ça. On va transporter tout ce bazar en lieu sûr, dans mes appartements. Personne ne viendra les chercher, là. Oui, monsieur l'ambassadeur. Tenez. Allez. Allez, on va y arriver. Ouais. Nous avons eu de la chance, finalement. Les Allemands auraient pu nous repérer avec leur camion de radiogoniométrie. Maintenant, je vous en prie, pas un mot à Spitzmüller et à sa clique. Ils vont être sciés. J'aimerais bien voir leur tête. Demain, dans l'appartement de Spitz, ils vont avoir de la conversation. En attendant, Alexandra, je vous félicite. C'est important pour moi d'avoir quelqu'un ici sur qui je puisse compter, en qui j'ai une totale confiance. C'est normal. Savez-vous à quoi je pense, tout d'un coup ? Non, monsieur l'ambassadeur. Je pense que vous pourriez m'aider en toute discrétion, cela va de soi, à mettre un peu d'ordre dans mes affaires privées. J'ai quelques biens et un certain patrimoine mobilier que j'aimerais savoir à l'abri. On ignore quelle tournure va prendre cette guerre, mais je n'ai pas un bon pressentiment. Oui, bien sûr. J'ai deux ou trois valises acheminées. Je vous en reparlerai. Très bien, monsieur l'ambassadeur. L'écrivain diplomate a en effet quelques petites affaires à régler. À l'occasion de ses déplacements, il a réalisé de fructueuses opérations financières en achetant par exemple de l'or en France et en le revendant plus cher en Roumanie. Pour sa part, Hélène a hérité de sa famille, les banquiers grecs Chrysovelloni, et souhaite mettre ses biens à l'abri. Elle est inquiète. Depuis longtemps, elle a compris que l'Allemagne ne gagnerait pas la guerre. L'ombre communiste s'étend tous les jours davantage et Hélène a de plus en plus de mal à cacher sa vraie nature. Dans un câble secret envoyé à De Gaulle, un diplomate résume bien la vie générale. Madame Morand surveille tout le monde. C'est une femme épouvantable, 150% bochophile. Hélène Souzo est à l'image de son mari, complexe et ambigu. Amie de Marcel Proust, qu'elle a beaucoup fréquenté autrefois, elle lit 2 livres par jour et connaît par cœur les pièces de Shakespeare. Paul Morand a toujours été fasciné par cet aristocrate au regard noir. Il aime sa beauté, sa grâce hautaine et son cynisme. Et les bruits de la guerre, désormais toutes proches, ne les empêchent pas de fréquenter assidûment les réceptions officielles. Ces réceptions, c'est toujours la même chose. Des rondes jambes, des sourires, des propos convenus. Le prince et la princesse Catardiou ne sont même pas venus. Dommage. On ne va pas s'attarder, je suis fatiguée. Oui, mais d'abord, je dois parler à mon collègue italien. J'aimerais qu'il m'éclaire un peu sur les suites de la bataille de Monte Cassino et sur Mussolini. Je voudrais savoir ce qu'il est devenu depuis son arrestation. Mussolini. Tout n'était pas bon, mais ses idées sur la question juive, par exemple, restent intéressantes. Ses premières réflexions sur la race italienne datent des années 20, bien avant Hitler. Ah, tiens, il y a l'ambassadeur du Japon là-bas. Lui aussi, il a des choses à m'apprendre. En attendant, tu prendras bien une coupe, ma chérie. Volontiers. Et d'ailleurs, tu sais que nous avons quelque chose à fêter. Ah, et quoi donc ? Mais voyons, la capture du poste émetteur. Un bel exploit. Hein. Ah. C'est à Alexandra qu'il faudrait trinquer. Ah. Elle mérite une médaille, celle-là. Mais dis-moi, tu songes à lui confier d'autres missions ? Elle s'appelle Alexandra, comment ? Tu t'as renseigné ? Elle n'est pas juive, au moins. Bien sûr que non. Tu connais Jean Jardin, il ne me l'aurait pas recommandé. D'ailleurs, je vais lui en parler à Jean. Le gouvernement pourrait la remercier d'une façon ou d'une autre. Il fait chaud ce soir, tu ne trouves pas ? Comme si un terrible orage allait s'abattre. La valse de l'empereur, ma préférée. Ouais, je sais que c'est ta préférée. Paul, allez, viens, viens danser. J'ai envie de m'amuser, le climat est si pesant. Viens, mon gros toutou. Laissons un peu de côté nos soucis. À l'ambassade de France, l'atmosphère devient en effet de plus en plus irrespirable. Morand soupçonne l'un de ses consuls, Paul-André Raymond, d'intelligence avec les gaullistes. C'est lui qui aurait fourni les faux passeports aux officiers français évadés d'Allemagne. Le 25 février 1944, un télégramme arrive de Vichy. Le consul Raymond est convoqué en France. Morand triomphe, mais le personnel de l'ambassade est vent debout. Le 26 mars, l'armée rouge entre en Roumanie. Le 4 avril, Bucarest est bombardée. Morand est inquiet. La menace ne vient pas seulement des Russes. Tandis que la Wehrmacht cède du terrain un peu partout, les autorités allemandes se méfient des collabos français, jugés de moins en moins fiables. Et alors que les rumeurs d'un débarquement allié s'amplifient, en ce mois de mai 1944, les soviétiques sont aux portes de Bucarest. Il faut évacuer la légation. Une alerte ! Spitzmüller, mettez tout le monde à l'abri ! C'est la troisième depuis ce matin ! Dès qu'on passe l'approche, on ne peut plus rester ici. Je viens d'appeler Vichy, la communication était mauvaise, mais j'ai compris qu'on avait l'autorisation d'évacuer. Dès que l'alerte sera levée, je convoquerai le personnel, nous partirons après-demain. Et pour aller où ? Fabre partira à Brashov avec le vice-consul, moi j'irai à Bran, avec Hélène et le commandant de Tarlé. Et moi ? Vous irez à Pitechti, nous vous prendrez un train pour la France. Vous y êtes attendu. Pas question. C'est un ordre, monsieur Spitzmüller. Je n'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Présentez immédiatement votre démission ou je vous fais coffrer. Mais par qui ? Je doute que vous trouviez quelqu'un pour vous soutenir. Misérable. Allez retrouver vos maîtres, monsieur Morand. Racontez-leur ce qui se passe. Comment vous me parlez, mais c'est de la trahison. Je doute fort qu'ils apprécient les résultats de votre mission. Et prenez garde. Ils pourraient même vous faire payer votre échec. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai affaire. Quel fumier. Paul, quelle misère. J'ai tellement peur. Allons, chérie, ne t'inquiète pas. Nous partons dans deux jours. Mais les tableaux, les statues, que va-t-on faire? On prend juste tes bijoux, ne t'inquiète pas du reste. Le plus précieux est parti hier par train spécial. Oh, toutou, tu es formidable. Maintenant, viens, viens, on va se mettre à l'abri. J'arrive, je dois d'abord appeler la France. Vas-y, Hélène, je te rejoins. Hôtel du Parc, Vichy, bonjour. Mademoiselle, monsieur Jardin, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. Ça ne répond pas. Vous ne le trouvez pas ? Non. Bon, insistez, c'est urgent. Allez, Jean, réponds. Allô ? Jean, c'est Paul. Ah, bonjour, Paul. Où en es-tu ? Comment ça se passe là-bas ? C'est dur. Nous sommes en plein bombardement. Les Russes arrivent. Où en est ma demande ? Ça y est, on t'a trouvé un point de chute. Tu vas être nommé à Berne. À Berne ? Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? C'est très bien, la Suisse. Si les choses tournent mal, tu seras à l'abri. Et pour l'avion, alors, c'est possible ? Non, malheureusement, il n'y en a pas. Et tu m'avais promis, hein, pourtant. Je suis désolé. Ils ont tous été réquisitionnés. Bon, je dois raccrocher et je descends à l'abri. À bientôt. Et surtout, pas un merci à son vieux copain Jean Jardin. En ce mois de mai 1944, Paul Morand pense surtout à sauver sa peau. Le 17, à 7h du soir, il envoie un télégramme laconique au service du personnel des affaires étrangères. J'ai quitté Bucarest ce matin, après avoir remis le service à monsieur Spitzmüller. Rentré à Vichy, il dîne début juillet en tête-à-tête avec Pétain. À la veille du 14 juillet, il est nommé ambassadeur à Berne. Tandis que les combats font rage en France, les Alliés débarqués depuis plus d'un mois en Normandie viennent de percer les lignes allemandes à Avranches, Paul Morand affiche une surprenante insouciance. Il pense à son emménagement en Suisse, à son chapeau et à ses gants blancs et se plaint d'avoir perdu des bagages. Lorsque Pétain, le 23 août 1944, part se réfugier en Allemagne et tandis que la Roumanie passe sous domination soviétique, Morand semble enfin réaliser la situation. Le 4 septembre, il envoie un télégramme à sa nouvelle autorité de tutelle, issue de la France libre, pour demander sa mise en congé. Pas de réponse. 10 jours plus tard, dans un décret signé par Charles de Gaulle, Paul Morand est révoqué sans pension ni indemnité. Et il se retrouve, de fait, assigné à résidence en Suisse, sur les bords du lac Léman. Il y restera 10 longues années avant d'être autorisé à rentrer en France. Quelle bonne idée cette promenade en barque. La lumière sur le lac est magnifique à cette heure-ci. Profites-en, ma chère Hélène. Dans quelques jours, quand nous serons à Paname, tout cela ne sera plus qu'un souvenir. Ne m'en parle pas. Je suis tellement inquiète. Après ce qu'ils ont raconté sur toi durant toutes ces années, tu ne crois pas que... Que quoi ? Qu'on va me lapider sur la place publique ? Que je serai fusillé comme Brasillac, embastillé comme Maurras ? Non, Hélène, rassure-toi, il n'y a rien à craindre. Et puis tu veux que je te dise, la Suisse s'est reposant très bien, mais je commence à m'ennuyer. Tout de même, je ne suis pas tranquille. Il est temps de revivre, ma douce. Sentir de nouveau le sang battre dans nos veines. L'exil est un trop lourd sommeil. Il ressemble à la mort. Mais les gaullistes, ils te détestent. Ils vont s'acharner sur toi. Eh bien, je me défendrai. Qu'ai-je à me reprocher, hein ? Sans doute ai-je commis quelques erreurs de navigation pendant la guerre, et sans doute les choses se seraient-elles mieux passées si j'avais senti le vent tourner, mais tout compte fait, je ne regrette rien. Moi non plus. Et certainement pas de t'avoir rencontré, mon gros toutou. Tu te rends compte, ça fait plus de 40 ans. Tu te rappelles notre première fois, au Savoy, à Londres ? Quand je pense à tout ce que nous avons vécu, et maintenant nous rentrons à Paris. Nous y serons bien, tu verras. J'ai fait faire quelques travaux d'aménagement à Charles Floquet, et j'ai organisé le transfert des meubles et des tableaux. Heureusement que nous avons presque tout sauvé des griffes de l'armée rouge. Oui, c'est grâce à cette fille à Bucarest. Comment s'appelait-elle déjà ? Alexandra. Ah oui, c'est ça. Épatante, cette petite. Elle est tellement dévouée. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, en fait ? J'en sais trop rien. La pauvre. J'espère que les Russes ne l'ont pas attrapée. Oui, j'espère aussi. Et si nous rentrions, ça se rafraîchit. L'humidité tombe vite sur le lac et j'aimerais écrire quelques pages avant ce soir. J'ai pris du retard alors que j'ai tant à faire. Au fait, j'y pense. Tu as eu des nouvelles pour l'Académie française ? Paul Morand, l'homme pressé au service de Pétain, de Bernard Lalanne et Charles Haquet. Avec Paul Morand, Jean-Luc Porraz, Hélène Morand, Adina Cartianou, Jean Jardin, Mathieu Bisson, Henri Spitzmüller, Gérald Maillet, Alexandra, Nathalie Canouy, Jean Mouton, Renaud Bertin. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Antoine Vieussa et Olivier Dupré. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Pascal Deux. Quelques minutes, on continue de parler de Paul Morand, l'homme pressé au service de Pétain, avec mon invité Pierre Assouline. Autant en emporte l'histoire, sur France Inter. Voici de la musique douce. Un peu de musique douce, douce. Voici de la musique douce pour entendre le pire. Car à trop être sourd, on ne pourra même plus luire. Juste de la drogue douce pour calmer l'artifice qui paraît des secousses dans un monde sans musique. Voici des calmants lourds pour abaisser les rires. Faut qu'il retire sourire dans ces fêtes sans tabou. Voici de la musique basse pour la faire moins festive, tout en gardant l'audace et restant sur le qui-vive. Voici de la musique douce, douce. Un peu de musique douce. La la musique douce en guise d'éclaireur pour pas se noyer dans nos bains de sueur. Juste de la drogue douce pour pas être surpris par de géantes tous de peur et de cris. Des calmants lourds pour jouer l'innocent, un œil en somme toujours prêt à temps. La musique basse pour entendre les splashs qui cognent en gouttes sur les spots intacts. Voilà que la lumière coule sur nos visages, alarme le temps qu'on avale ce sourd moment de rage. Voilà que les cœurs roulent sur les planches colorées de rouge vif abrupt et de danse desséchée. Voici de la musique douce, douce. Oh, oh, oh. Ne danse plus à pas de loup. Il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on exige de danser à pas de géant. Avec des habits de circonstance, je l'avoue parfois très outrageant, mais ils font peur au point d'être agents. Je veux bien les mettre et remettre et crier combien je fais la fête, en montrant bien que sous mes pieds j'ai la plus belle des cultures dorées. Parfois psychée ou sophistiquée, je danse fort à me tuer à coups d'amour et de lettres. Qu'au petit jour à ses êtres, j'envoie mes soeurs et tous mes baisers pour sereinement aller me coucher. Ne danse plus à pas de loup. Il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on existe. Ne danse plus à pas de loup. Il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on existe. C'est la musique douce, douce. Oh, oh. Un peu de musique douce, douce. Oh, oh, oh. Musique basse d'Eddie Despréteau sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Elisabeth Collet. Pierre Assouline, nous avons donc suivi Paul Morand dans un épisode un peu court mais décisif de sa vie en 43-44. Quand il est ambassadeur de France en Roumanie, on vient de quitter sur le lac Léman. Il est avec sa femme Hélène en Suisse, donc, où ils ont réussi à se réfugier. Dans quelle mesure Paul Morand a-t-il été inquiété à la Libération ? Pas trop. Pas trop. Pas trop inquiété. Parce que, vous savez, Paul Morand n'a jamais été aimé par personne, à part sa femme, et quelques-uns de ses amis, même si c'était pas réciproque, justement en raison de ce tempérament, cette absence de qualité humaine, et cette morgue extraordinaire qu'il avait vis-à-vis des autres. Et donc, il n'y avait pas de gens pour le soutenir à la Libération, juste un petit peu. Alors, certainement pas de Gaulle, qui le détestait, et réciproquement, d'ailleurs il l'appelait Gaulle et non pas de Gaulle. Bon, Giraudoux, qui est un ami de jeunesse, était mort, il est mort en 44. Jean Cocteau, qui malgré son homosexualité était l'un de ses grands amis de jeunesse, qui est resté fidèle jusqu'à la fin. Quand même, il a quelques amis. Oui, oui, il a quelques amis, mais par rapport à tous ceux qu'il connaissait autrefois, forcément, on s'était un peu éloigné de lui. Il ne faut pas oublier une chose, quand avant la guerre, au début de la guerre, il est à Londres. On pourrait imaginer qu'il va rester à Londres puisque De Gaulle arrive. Bah, c'est le contraire. C'est d'ailleurs ce que De Gaulle va lui reprocher. C'est bien sûr. En 40, il y a si peu de Français qui sont à Londres. Oui. Lui, il y était déjà. Il était déjà. Il était avant l'appel du 18 juin puisqu'il dirigeait une mission économique. Oui. Pour c'est un homme célèbre. Il aurait pu apporter son poids. Oui, mais c'est un homme célèbre. Sauf que l'humus de ses idées, son tempérament, c'est quand même... c'est quand même tout à fait Vichy. Or, à Vichy, on veut pas de lui, parce qu'on le considère pas avec beaucoup de sérieux. Vous l'avez dit, c'est un dandy, c'est un nonchalant, c'est un désinvolte, c'est un homme à femme, un séducteur. Et donc, on veut pas de lui, mais quand même, il est là, et donc, il se présente. Donc, on lui donne un boulot comme chef de la censure cinématographique. C'est important quand même, parce que c'est de la politique, ça. Censurer les films sous la botte. Il va le faire pendant un demi ou deux, puis il s'ennuie. Parce que lui, il s'ennuie très très vite. Partout où il est, il a la bougeotte. Et puis, finalement, sa divine surprise à lui, c'est que il y a le rappel de Laval en avril 1942. Et donc, dans le sillage de Laval, il y a Jean Jardin, qui est son directeur de cabinet. Et Jardin s'arrange pour faire nommer Morand ambassadeur en Roumanie. Pourquoi ? D'abord, il a l'appui, outre Jardin, de José de Chambrun, qui est la fille du président Laval, qui est une très bonne amie des Morand. Et ensuite, pourquoi la Roumanie? Ben, c'est lui-même qui demande à être nommé ambassadeur de France en Roumanie. Pourquoi? Pour protéger les intérêts de sa femme. Donc il le fait par pur opportunisme, par pur intérêt personnel. Il n'est même pas question de défendre la Révolution nationale. C'est pour ça que dire de Morand un collabo, oui, c'est un collabo, collaboration d'État. Pour les collabos, c'est pas un collabo parce que eux-mêmes le considèrent avec beaucoup de mépris. Parce qu'ils savent très bien qu'il n'en a rien à faire de la Révolution nationale. Ils surfent sur les vagues de la guerre, ils s'en fichent complètement. Et il n'en a rien à faire, mais il est quand même conscient de ce que représente la collaboration, de ce que représente Laval, qui a dit je souhaite la victoire de l'Allemagne. Il n'est pas dupe, j'imagine, de ça. Il n'est pas dupe, mais vous trouverez rarement des choses politiques sous sa plume. Et donc, il est à Bucarest, uniquement pour ça, pour sauver ce qui peut être sauvé. Et ensuite, il se fait nommer à Berne pour sauver sa peau. Alors, à propos de la période, justement, à Bucarest, à l'ambassade de France en Roumanie, je vous propose d'écouter Paul Morand lui-même, interviewé en 1976 par Pierre-André Boutan, peu de temps donc avant la mort de l'écrivain. Quel a été, en tant qu'ambassadeur à Bucarest et à Berne, vous avez eu un rôle particulier? Non, il s'agissait surtout de se maintenir et d'être là, n'est-ce pas? Et de faire de la présence. Le maréchal Pétain m'a dit, je vous envoie là, mais ne faites pas de vagues, c'est-à-dire ni dans un sens ni dans l'autre. Je suis resté immobile et en observateur. Donc Paul Morand en 1976, on a l'impression qu'il est resté immobile à boire du champagne. Évidemment, mais c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il est resté immobile, mais il a protégé ses intérêts, c'est tout. Mais France, il s'en fiche. Enfin, il avait quand même une confiance naïve et inébranlable en la personne de Pierre Laval. Mais ça, c'est à titre personnel, amical. Alors que Laval, c'est un radical socialiste, franc-maçon, enfin, c'est pas du tout son pas monde. Pas son milieu, non. Mais il a comme ça des amitiés très fortes. Assez inexplicable, comme il l'aura après pour c'est un peu comme Jean Jardin. Enfin, Jean Jardin est aussi un homme d'amitié. Enfin. Oui, mais Jean Jardin, est plus estimable, plus intéressant. Vous lui avez consacré une biographie d'Éminence Grise. C'est quelqu'un qui a des qualités humaines, de vraie fidélité en amitié. Il a une vision de la France. Il a une conception de la haute fonction publique. C'est pas du tout le même genre. Et ce qui est drôle, intéressant, c'est, si vous regardez la fiche Wikipédia de Paul Morand, c'est écrit dans la colonne de droite, Paul Morand, décoration, ordre de la Francisque, officier de la Légion d'honneur. Oui, c'est un peu contradictoire. Non, mais ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il mange à tous les râteliers et il n'en lâche aucun. Et à propos de l'affaire délicate dont il est question dans la fiction, on a compris que c'était la rafle du Veldiv en juillet 1942. On ne sait pas très bien si... Est-ce que Jean Jardin était au courant de cette rafle? Au courant certainement, puisqu'il était directeur de cabinet. Mais il n'en est responsable? Il n'en est évidemment pas le responsable, il n'en est évidemment pas l'architecte. Il ne faut pas oublier ce que c'est qu'un directeur de cabinet à l'époque, et même aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait passer les messages, qui organise le cabinet, mais c'est pas quelqu'un qui est décisionnaire. Ce n'est même pas un conseiller politique par rapport au président du conseil. C'est un exécutant. Un exécutant sur qui on peut se reposer. Mais c'est évidemment pas à Vichy que ça s'est fait, la rafle. Même si ça a été approuvé, évidemment. Ça s'est fait à Paris avec la police. Avec René Bousquet, avec le préfet, etc. Donc, faut pas se tromper de cible. À ce sujet, je vous propose d'écouter une deuxième fois la voix de Paul Morand, interviewé cette fois par Jacques Chancel en 1971 dans Radioscopie sur France Inter. Il y a une période dont vous ne voulez pas parler, c'est la période 44, lorsque vous étiez ambassadeur à Berne. Je ne demanderais pas mieux d'en parler, seulement, je ne regrette pas ce que j'ai fait, seulement, il est certain qu'il faudrait 3 heures d'affilée pour en parler. Aujourd'hui, Paul Morand, si c'était à refaire, vous seriez encore à la disposition du maréchal Pétain? Eh bien, je vais vous expliquer en deux mots. À ce moment-là, personne ne se doutait de ce qu'on avait fait aux Juifs. Et quand je dis personne, je suis sûr que même l'ambassade d'Allemagne à Vichy ne le savait pas. Par conséquent, il n'était pas question de rester une heure si j'avais appris ce qui s'était passé. Voilà, un point, c'est tout. Et pendant longtemps, on vous en a voulu. On vous a refusé à l'Académie française. Bien sûr, mais ça n'a pas d'importance. 4 fois. Et puis, vous y êtes entré il y a 2 ans. Oui. tout le monde vous y attendait, et ça a été pour vous quand même le couronnement. Oh, tout de même, a été une grande gentillesse. D'abord, comme dit Sainte-Beuve, à l'Académie, tout le monde s'aborde par ses surfaces polies. Alors c'est déjà énorme d'avoir des gens très bien élevés, puis en plus c'est un cercle absolument délicieux, agréable, et je suis absolument enchanté d'en être. Mais il fut un temps où vous disiez quand même, cette Académie, elle n'est pas possible, elle ne veut pas... Oh non, j'ai jamais dit ça. Officiellement. Non, vraiment pas, vraiment pas. Beaucoup de choses dans cette petite interview, c'est la quintessence, 1971. C'est la quintessence de Paul Morand, un snob, un mondain, très brillant, mais qui se moque du monde. Oui, c'est le moins quand on pense dire, qu'il était ambassadeur à Bucarest, au moment où on raflait les juifs roumains, on les envoyait dans des camps, et il dit que personne n'est au courant de rien, mais il se moque du monde. Mais pour vous dire à quel point... Il y a un détail qui n'est pas dans la fiction qu'on a entendue, mais que j'ai appris par la suite. C'est Guylain de Bénouville qui l'a raconté. Bénouville est dirigé, entre autres choses, résistant, un maquis qui se trouvait à la frontière franco-suisse. Et il a raconté par la suite, bien après la guerre, qu'à un moment, il était fou de rage parce que son maquis avait été mobilisé à la demande de Jean Jardin, qui était aussi du côté de la résistance, qui savait jouer des deux, pour transporter, au péril de leur vie, des tapis précieux de la famille de la princesse Suzzo de France vers la Suisse. Tapis et des tableaux et choses comme ça, pour les amener jusqu'à l'ambassade à Berne. Vous vous rendez compte, par le maquis, avec des risques incroyables, puisque la frontière franco-suisse était très surveillée par les Allemands. Et sur l'Académie française, plusieurs fois, Paul Morand, contrairement à ce qu'il dit, que ça n'avait pas d'importance pour lui, il a essayé plusieurs fois d'entrer à l'Académie française, mais c'est le général de Gaulle qui, à chaque fois, mettait son veto, l'empêchait. Et finalement, il y arrive en 1968... après toutes ces tentatives... Oui. Au fauteuil de Maurice Garçon. Parce que, vous savez, à l'Académie, à l'époque, en tout cas, il y avait toujours eu un parti pétainiste. Il y a le parti aristocrate, il y a le parti pétainiste, il y a des différents réseaux. En ce temps-là, ce parti existait, était encore assez fort. Et ils ont réussi à faire élire Morand au bout de la troisième ou quatrième fois. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une tradition qui, juste à cette occasion-là, n'a pas été respectée. C'est la tradition, c'est pas la règle, hein, mais c'est une tradition. Un usage veut que le chef de l'État, reçoive le candidat à l'Élysée. Celui qui vient d'être admis. Oui. À l'Élysée. Et De Gaulle a refusé. Mais du moins pas Paul Morand. Et Paul Morand a dit, je m'en fiche. Et, bon, c'était bien de leur part aux deux, c'était normal. Chacun dans son rôle. Si après tout ça, on a quand même envie de lire Paul Morand, eh bien, que conseilleriez-vous, Pierre Insouline ? Il ne faut pas hésiter, il faut avoir assez de force de caractère pour séparer l'opinion qu'on peut avoir d'un homme qui se trouve être écrivain, entre autres choses, et diplomate, et puis la qualité de ses livres. Alors, dans certains de ses lire livres, bien sûr, il y a des livres où transparaît tout ça. Bon, évidemment, L'homme pressé, c'est quelque chose à lire, Lewis et Irène, Hécate et ses chiens, et puis les portraits de ville, les chroniques. Je trouve que c'est un formidable chroniqueur. Il y a un recueil de chroniques qui s'intitule 1900. C'est sur l'année 1900 qui est formidable. C'est là qu'il est le plus brillant, le plus étincelant, le plus profond, le plus aigu. Merci beaucoup Pierre Assouline. Eh bien vous êtes l'auteur de Occupation. C'est un ensemble de livres que vous avez écrits qui traitent de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la collection Bouquins chez Lafon qui vient de sortir. À lire également Le Soufre et le Moisi, la droite littéraire après 1945 de François Dufay chez Perrin, ainsi que les nouvelles et romans de Paul Morand qui sont édités en poche et dans la Pléiade. Autant en emporter l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous embarquerons dans une des affaires les plus tumultueuses de l'histoire de France, universelle même, l'affaire Dreyfus, l'histoire d'un homme victime de l'antisémitisme et de la raison d'État, mais aussi celle de la ténacité de quelques-uns à faire triompher la vérité et le droit. L'affaire Dreyfus, épisode 1, La République à l'épreuve, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.